Ézéchiel chapitre 16. La parole de l'Éternel me fut aussi adressée, en disant, Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Et dis, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, tu as tiré ton extraction et ta naissance du pays des Chananéens, ton père était Amoréen, et ta mère, Éthienne. Et quant à ta naissance, le jour que tu naquis ton nombril ne fut point coupé, tu ne fus point lavé dans l'eau, pour être nettoyé, tu ne fus point scellé de sel, ni emmailloté. Il n'y a point eu d'œil qui ait eu pitié de toi, pour te faire aucune de ces choses, en ayant compassion de toi, mais tu fus jeté sur le dessus d'un champ, parce qu'on avait horreur de toi le jour que tu naquis. Et passant auprès de toi, je te vis gisant par terre dans ton sang, et je te dis, vise dans ton sang, et je te redis, vise dans ton sang. Je t'ai fait croître par millions, comme croît l'herbe d'un champ, et tu crus, et tu devins grande, tu parvins à une parfaite beauté, ton corps se forma, et tu devins nubile, mais tu étais abandonné et sans habit. Et je passai auprès de toi, et je te regardai, et voici, ton âge était l'âge d'être marié, et j'étendis sur toi le pan de ma robe, et je couvris ta nudité, et je te jurai, et j'entrai en alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu devins mienne. Et je te lavai dans l'eau, et en t'y plongeant, j'ôtai le sang de dessus toi, et je t'oignis d'huile. Je te vêtis de broderie, je te chaussai de peau de couleur d'hyacinthe, je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets en tes mains, et un collier à ton cou. Je mis une bague sur ton front, dépendant à tes oreilles, et une couronne de gloire sur ta tête. Tu fus donc paré d'or et d'argent, et ton vêtement était de fin lin, de soie et de broderie, tu mangeais la fleur du froment, et le miel et l'huile, et tu devins extrêmement belle, et tu prospéras jusqu'à régner. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, à cause de ma magnificence que j'avais mise sur toi, dit le Seigneur, l'Éternel. Mais tu t'es confié en ta beauté, et tu t'es prostitué à cause de ta renommée, et tu t'es abandonné à tout passant pour être à lui. Et tu as pris de tes vêtements, et t'en es fait des ornements de diverses couleurs pour tes hauts lieux, tel qu'il n'y en a point, ni n'y en aura de semblable, et tu t'y es prostitué. Et tu as pris tes bagues magnifiques, faites de mon or et de mon argent que je t'avais donné, et tu t'en es fait des images d'un mâle, et tu as commis fornication avec elle. Et tu as pris tes vêtements de broderie, et les en as couvertes, et tu as mis mon huile de senteur et mon parfum devant elle. Et mon pain que je t'avais donné, la fleur du froment, et l'huile et le miel que je t'avais donné à manger, tu as mis cela devant elle en sacrifice de bonne odeur. Il a été fait ainsi, dit le Seigneur, l'Éternel. Tu as aussi pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, et tu les leur as sacrifiés pour être consumés. Est-ce peu de chose, ce qui est procédé de tes adultères? Que tu aies égorgé mes fils, et que tu les aies livrés pour les faire passer par le feu, à l'honneur de ces idoles? Et parmi toutes tes abominations et tes adultères, tu ne t'es point ressouvenu du temps de ta jeunesse, quand tu étais toute nue et toute découverte, et gisante par terre dans ton sang. Et il est arrivé après toute ta malice, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur, l'Éternel. Que tu t'es bâti un lieu éminent, et t'es fait des hauts lieux par toutes les places. À chaque bout de chemin tu as bâti un haut lieu, et tu as rendu ta beauté abominable, et tu t'es prostitué à tout passant, et tu as multiplié tes adultères. Tu t'es abandonné aux enfants d'Égypte, tes voisins, qui ont une taille avantageuse, et tu as multiplié tes adultères pour mériter. Et voici, j'ai étendu ma main sur toi, et j'ai diminué ton état, et je t'ai abandonné à la volonté de celles qui te haïssaient, savoir, des filles des Philistins, lesquelles ont de ton train qui n'est que méchanceté. Tu t'es aussi abandonné aux enfants des Assyriens, parce que tu n'étais pas encore assouvi, et après avoir commis adultère avec eux, tu n'as point encore été assouvi. Mais tu as multiplié tes adultères dans le pays de Chanaan, jusqu'en Chaldée, et tu n'as point encore pour cela été assouvi. Oh, que ton cœur est lâche, dit le Seigneur, l'Éternel, d'avoir fait toutes ces choses-là, qui sont les actions d'une insigne prostituée, de t'être bâti un lieu éminent à chaque bout de chemin, et d'avoir fait ton haut lieu dans toutes les places. Et encore n'as-tu pas fait comme les femmes débauchées, en ce que tu n'as point tenu compte du salaire. femme adultère, tu prends des étrangers au lieu de ton mari. On donne un salaire à toutes les prostituées, mais toi, tu as donné à tous tes adultères les présents que ton mari t'avait faits, et tu leur as fait des présents, afin que de toutes parts ils vinssent vers toi, pour se plonger avec toi dans le crime. Et il t'est arrivé dans tes fornications, tout le contraire de ce qui arrive aux autres femmes, car personne ne te recherchant pour commettre adultère, tu as donné des présents, et aucun présent ne t'a été donné, tu as donc agi tout au contraire des autres femmes de mauvaise vie. C'est pourquoi, ô adultère, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, parce que ton venin s'est répandu, et que dans tes excès tu t'es abandonné à ceux que tu aimais, et à tes abominables idoles, et que tu as mis à mort tes enfants, lesquels tu leur as donnés. À cause de cela, voici, je m'en vais assembler tous tes adultères, avec lesquels tu as pris tes plaisirs, et tous ceux que tu as aimés, avec tous ceux que tu as haïs, même je les assemblerai de toutes parts contre toi, et je découvrirai ta honte à leurs yeux, et ils verront ton infamie. Et je te jugerai comme on juge les femmes adultères, et celles qui répandent le sang, et je te livrerai pour être mise à mort, selon ma fureur et ma jalousie. Je te livrerai, dis-je, entre leurs mains, et ils détruiront tes lieux éminents, et démoliront tes hauts lieux, ils te dépouilleront de tes vêtements, et emporteront tes bagues dont tu te parais, et te laisseront toute nue et toute découverte. Et on fera monter contre toi un amas de gens qui t'assommeront de pierres, et qui te transperceront avec leurs épées. Puis ils mettront le feu à tes maisons, et feront ces exécutions sur toi en la présence de plusieurs femmes, et je te garderai bien de t'abandonner, et même tu ne donneras plus de salaire. Et je satisferai ma fureur sur toi, tellement que ma jalousie se retirera de toi, et je serai en repos, et ne me courroucerai plus. Parce que tu ne t'es point souvenu du temps de ta jeunesse, et que tu m'as provoqué par toutes ces choses-là, à cause de cela, voici, j'ai fait tomber la peine de tes crimes sur ta tête, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu n'as pas fait cette réflexion dans toutes tes abominations. Voici, tous ceux qui usent de proverbes, feront un proverbe de toi, en disant, telle qu'est la mère, telle est sa fille. Tu es la fille de ta mère, qui a dédaigné son mari et ses enfants, et tu es la sœur de chacune de tes sœurs, qui ont dédaigné leur mari et leurs enfants. Votre mère était Éthienne, et votre père était Amoréen. Et ta grande sœur, c'est Samarie, avec les villes de son ressort, laquelle se tient à ta gauche, et ta petite sœur, qui se tient à ta droite, c'est Sodome, avec les villes de son ressort. Et tu n'as pas seulement marché dans leurs voies, et fait selon leurs abominations, comme si c'eût été fort peu de choses, mais tu t'es corrompu plus qu'elles dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, que Sodome, ta sœur, elle ni les villes de son ressort, n'ont point fait comme tu as fait, toi et les villes de ton ressort. Voici, ça a été ici l'iniquité de Sodome, ta sœur, l'orgueil, l'abondance de pain, et une mauloisiveté. Elle a eu de quoi, elle et les villes de son ressort, ma, apostrophe, is, elle n'a point assisté l'affligé et le pauvre. Elles se sont élevées, et ont commis abomination devant moi, et je les ai exterminées, comme j'ai vu qu'il était à propos de faire. Et quant à Samarie, elle n'a pas péché la moitié autant que toi, car tu as multiplié tes abominations plus qu'elle, et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as commises. C'est pourquoi aussi, porte ta confusion, toi qui as jugé chacune de tes sœurs, à cause de tes péchés, par lesquels tu as été rendu plus abominable qu'elles, elles sont plus justes que toi, c'est pourquoi aussi, sois honteuse, et porte ta confusion, vu que tu as justifié tes sœurs. Quand je ramènerai leurs captifs, les captifs, dis-je, de Sodome, et des villes de son ressort, et les captifs de Samarie, et des villes de son ressort, je ramènerai aussi les captifs de ta captivité parmi elles, afin que tu portes ta confusion, et que tu sois confuse à cause de tout ce que tu as fait, et que tu les consoles. Quand ta sœur Sodome, et les villes de son ressort, retourneront à leur état précédent, et quand Samarie, et les villes de son ressort, retourneront à leur état précédent, aussi toi, et les villes de ton ressort, vous retournerez à votre état précédent. Or ta bouche n'a point fait mention de ta sœur Sodome au jour de tes fiertés, avant que ta méchanceté fût découverte, comme elle le fut autant de l'opprobre des filles de Syrie, et de toutes celles d'alentour, savoir, les filles des Philistins, qui te pillèrent de tous côtés. Tu portes sur toi ton énormité et tes abominations, dit l'Éternel. Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, je te ferai comme tu as fait, quand tu as méprisé l'exécration du serment, en violant l'alliance. Mais pourtant je me souviendrai de l'alliance que j'ai traitée avec toi dans les jours de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Et tu te souviendras de tes voies, et en seras confuse, lorsque tu recevras tes sœurs, tant tes plus grandes que tes plus petites, et je te les donnerai pour filles, mais non pas selon ton alliance. Car j'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel. Afin que tu te souviennes de ta vie passée, que tu en sois honteuse, et que tu n'ouvres plus la bouche, à cause de ta confusion, après que j'aurai été apaisé envers toi, pour tout ce que tu auras fait, dit le Seigneur, l'Éternel.